Alors je pose. Mais qu'est-ce que c'est? Vous devenez comme eux. Vous vivez encore, mais dans un cauchemar. Vous buvez le sang et le cauchemar ne s'arrête jamais. J'avais essayé de voler les pierres sacrées pour Sankara. Au commencement, il y avait 5 pierres sacrées. Mais au cours des siècles, elles furent dispersées par les guerres et vendues par des voleurs comme vous. Des voleurs comme moi, hein? Il vous manque encore de pierres. Il y a environ 100 ans, quand l'armée anglaise vit à ce temple et massacra mon peuple, un de nos prêtres réussit à cacher les deux dernières pierres ici dans les catacombes. Et c'est elles que vos malheureux esclaves cherchent de réduire. Des enfants innocents. Cherche les pierres précieuses qui financent le coup. Ils cherchent également les deux dernières pierres. Et bientôt nous aurons réuni les 5 pierres de Sankara. Et les 2 connaîtront enfin le